Dans la septième partie de l'expiation, Victor Hugo ne s'accorde pas le septième jour de repos de la Genèse, car l'homme qui assassina véritablement Napoléon, c'est Louis Bonaparte. Hélas, sur cette immense splendeur, il ne fallait pas moins que cette immense souillure. Hudson Love n'était qu'un geôlier. Hudson Love n'était qu'un bourreau. Hudson Love n'avait tué que sa vie. Louis Bonaparte tue sa gloire. Ce que Victor Hugo notait en prose, au cours de l'été 1852, dans son Napoléon le Petit, il exprime ici en vers d'une intensité satirique rarement atteinte. Imitant Callot, le célèbre caricaturiste du XVIIe, Victor Hugo, dans ce septième et dernier poème de l'expiation, fait défiler, à côté du célèbre bandit Cartouche, déjà évoqué, et de Mandrin, autre bandit célèbre, les principaux dignitaires civils, militaires ou religieux dont s'entoura Napoléon III, fils, comme je vous l'ai dit au début, d'Hortense de Beauharnais. Quant à Balthazar, cité à la fin du poème, c'était le roi de Babylone auquel le prophète Daniel prédisit sa mort dans la Bible.